والذين هم لفروجهم حافظون et qui se maintiennent dans la chasteté إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين et non de rapport qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent car dans ce cas ils ne sont pas blâmables فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون Mais ceux qui cherchent leur plaisir en dehors de cela sont des transgresseurs. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون Et qui gardent les dépôts confiés à eux et respectent leurs engagements scrupuleusement. والذين هم بشهاداتهم قائمون et qui témoignent de la stricte vérité. والذين هم على صلاتهم يحافظون et qui sont réguliers dans leur salat. أولئك في جنات مكرمون ceux-là seront honorés dans des jardins. فما للذين كفروا قبلك مهطعين Qu'ont donc ceux qui ont mécru à courir vers toi le cou tendu عن اليمين وعن الشمال عزين De droite et de gauche venant par bande أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم Chacun d'eux convoite-t-il qu'on le laisse entrer au jardin des délices كلا إنا خلقناهم مما يعلمون Mais non, nous les avons créés de ce qu'ils savent. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون Et non, je jure par le Seigneur des levants et des couchants que nous sommes capables على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين de les remplacer par de meilleurs qu'eux et nul ne peut nous en empêcher فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون Laisse-les donc s'enfoncer dans leur mécréance et se divertir jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur jour dont on les menaçait. Le jour où ils sortiront des tombes, rapides comme s'ils couraient vers des pierres dressées, خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون Leurs yeux seront abaissés, l'avilissement les couvrira. C'est cela le jour dont on les menaçait.